Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Lavoie et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le cri s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous, nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Madame, Monsieur, bonsoir. 25 décembre 2015, jour de la Noël, célébré sur l'ensemble du globe terrestre. La Noël qui commémore la naissance de l'enfant Jésus, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, commémoré ou alors célébré ce 25 décembre 2015. C'est une solennité qui est universelle, mais qui semble à ne pas faire l'unanimité. Beaucoup convoqueront des livres d'histoire en nous disant ou alors en nous faisant savoir que cette fête n'est que la continuité d'une fête païenne récupérée par les religieux. Pour d'autres, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ est une réalité biblique. Il faut d'ailleurs la célébrer. Lumière sur les ondes, édition de ce vendredi 25 décembre 2015, révèle toute la vérité sur cette célébration querellée. Vérité sur la Noël, c'est le talk show de ce soir. Joyeux Noël à ceux qui la célèbrent. Bienvenue à ceux qui nous écoutent sans la célébrer. Lumière sur les ondes est une mise en onde de Tonton Théo. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Mevoie. Vérité sur la Noël ouvre ses portes avec ce chantre à l'éternel. Je vous laisse l'occasion de déguster. Bonsoir et bienvenue. Vêtu de gloire. Il s'appelle Onel Mala et chante vêtu de gloire au moment où beaucoup sont en train de revêtir de gloire l'enfant Jésus. Bienvenue une fois de plus. La tribu de Judas, vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Devant lui, tout genou. genou fléchira, tout genou fléchira, lui rendra honneur et gloire. On dira, on dira, alléluia, alléluia. Ah les enfants, j'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa, envie de voir ça. Yeah, yeah. L'aveugle le verra et même le sourd l'entendra. Oh yo yo yo, le miel le chantera. Une très belle chanson d'Onel Mala, vêtue de gloire, une expression qui semble planter le décor dans ce studio. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Vous êtes connectés 99.6 FM, Radio Bonne Nouvelle, l'émission c'est Lumière sur les ondes. Et ce soir, un thème débattu, vérité sur la Noël. Nous voulons apporter toute la vérité sur cette célébration du 25 décembre. Commémoration de la naissance de l'enfant Jésus pour certains, pour d'autres, fête païenne qui n'a rien à voir avec la commémoration, mais avec la naissance de l'enfant de Jésus. Nous avons deux invités dans ce studio et vous également à la maison, vous pouvez participer au débat. Nous apportons toute la vérité sur la Noël en ce jour, en convoquant bien entendu les saintes écritures dans ce studio. Évangéliste Élie Bertrand Tchabda Junior, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Alors comment vous allez? C'est le 25 décembre, la Noël, elle se passe bien? Comme moi, c'est un jour comme tous les autres jours de l'année. Ah bon? Ouais, donc comme le 1er janvier, le 2 février. Comme le 3 mars. Comme le 3 mars. Par exemple. Vous faites mieux de ne pas dire le 6 mars. Même pas le 6, mais ou bien même le 7, pas, donc si on le prend. Ok. Alors, merci d'être là. Vous répondez présent chaque fois qu'on vous appelle. C'est un honneur que vous nous faites. Nous vous en remercions. Nous sommes là pour servir. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous a demandé que nous servions comme les serviteurs inutiles, comme les serviteurs inutiles. Gloire à Dieu. Alors, à côté de vous, j'ai le pasteur William Branham Kamte. Bonsoir, pasteur. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. 25 décembre, jour de célébration. Oui, évidemment. Oh, ça s'est bien passé dans votre communauté chrétienne? Oui, oui, très bien, très bien. Ça s'est très bien passé. Super. Frère Stéphane. Oui. Lorsque vous avez parlé de William Branham, quand tu m'attendais voir un Américain. c'est un je croyais que c'était notre. À moins qu'il peut-être soit affilié à William Branham, peut-être il est sa descendance. Ou bien, ben, il est dans ce studio pour nous faire peut-être la révélation sur son nom. Oh, oui. Bon, de toute façon, c'est vrai que ce n'est pas l'objet du débat. Bien sûr, je m'appelle Kamte Tchentche William Branham. Oui. Et ce nom, je le porte d'un grand homme de Dieu appelé William Marion Branham, un prophète que Dieu a envoyé en ce temps de la fin à la Odyssée, à l'âge de l'église de la Odyssée, qui est le septième âge de l'église, c'est-à-dire l'âge du temps de la fin. Oui. Et c'est un homme qui est né le 6 avril 1909 et qui est rentré à la maison près de Dieu le 24 décembre 1965. Wow. Et hier précisément, le 24 décembre 2015, cela faisait exactement que 50 ans qu'il est rentré à la maison. Donc c'était le jubilé du retour à la maison du prophète de Dieu. Ok. On en fera certainement une émission. Je n'en dis pas plus. Je savais pourquoi je t'étais ainsi. Ah bon. Alors le thème que nous mettons sur les feux de projecteur ce soir, c'est vérité sur la Noël. Oui. On voudrait avoir vraiment toute la vérité selon les saintes écritures, pourquoi pas selon les livres historiques qui retracent l'histoire, de savoir effectivement ce que c'est que la Noël. Alors je vais rester avec vous, pasteur William Branham Kamte. Quelle est l'origine de cette célébration? Je voudrais dire d'entrée de jeu qu'il faudrait déjà savoir précisément ce qu'est Noël, parce que c'est là même qu'il faudrait commencer. Bien sûr. Parce que beaucoup de gens ont tendance à mélanger certaines choses et on ne sait plus trop bien ce que nous sommes en train de célébrer comme fête. Bien sûr. Et Noël, précisément, vient du mot latin. Natalis. Natalis. Oui, Natalis 10, qui signifie jour de naissance. Vous voyez? Et maintenant, jour de naissance de quoi? Parce que si on parle de Noël, cela a justement une signification. Ça veut dire, en termes simples, jour de naissance. Maintenant, l'origine de Noël. Et il faudrait essayer de voir Noël par rapport à ce que les hommes essaient aujourd'hui de représenter comme étant Noël. Parce que les hommes attribuent à Noël, il faudrait le dire, la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et on ne peut pas parler de Noël aujourd'hui sans faire allusion à la journée du 25 décembre. Et le 27 décembre était une fête religieuse, bien avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'Empire romain, bien entendu, Noël fut pour la première fois proclamé et célébré officiellement en tant que fête de l'Église par le pape Libère en l'an 354 de notre ère. Et nous remarquons que selon l'encyclopédie catholique, Noël ne figurait pas, je dis bien l'encyclopédie catholique, Noël ne figurait pas parmi les fêtes primitives de l'Église. Et même Irénée et Tertullien, qui sont de grands écrivains religieux et qui ont vécu vers la fin du deuxième siècle, l'ont omis de leur liste de fêtes. Donc, l'observation de Noël n'a pas été prescrite par Dieu. Voilà. Si on parle de... ça peut dire que l'observation de la Noël n'apparaît pas dans les saintes écritures. Très bien. L'observation de la Noël. De Genèse à Apocalypse. De Genèse à l'Apocalypse. D'ailleurs, vous ne trouverez pas un mot Noël dans les saintes écritures. Nulle part, vous ne trouverez cela. Oui. Très bien. Donc, je dirais tantôt que l'observation de Noël n'a pas été prescrite par Dieu. Elle ne tire pas davantage son origine du Nouveau Testament. Vous voyez? Et je pense que après la naissance du Seigneur Jésus-Christ, la Rome païenne, vous voyez? Parce que Rome, autrefois, qui était la Rome païenne et qui est devenue la Rome papale, vous voyez? La Rome païenne s'adonna pendant plus de 250 ans au culte de nombreux dieux. au culte de nombreux dieux. Et au cours de cette période, la divinité romaine principale était Jupiter. Et chaque année, sa fête tombait au mois de septembre. Maintenant, vous allez remarquer que en l'an 273, j'en viens à quelque chose après Jésus-Christ, il se passa quelque chose d'extraordinaire, vous voyez. Jupiter était comme détrôné, vous voyez, et une autre divinité principale devint le dieu suprême de la Rome païenne. Et il s'agissait donc de quelle divinité? De Bel, ou alors de Baal, qui est le dieu soleil. Et c'est l'empereur Aurélien qui est le responsable de l'introduction de cette nouvelle forme de culte païen dans l'Empire romain. Donc si on peut récapituler, on comprend que la Noël, en fait, c'est une célébration qui était destinée aux dieux... Aux dieux soleil. Donc en fait, c'est l'origine. C'est l'origine. On parlait de la naissance du soleil, puisque vous avez dit que ça venait du mot latin, vous avez Natalis. Natalis, donc on célébrait la naissance du dieu soleil. Oui. Ok. Alors, frère, je vais peut-être revenir à vous. Oui. Frère Élie Bertrand, vous avez très bien écouté l'origine, très posément. Et très profonde d'ailleurs, dont nous a fait part le pasteur William Branham Kamte. Pour ne pas revenir dans les origines, vous nous avez dit d'entrée de jeu que c'est un jour comme tous les autres. Absolument. Expliquez-nous pourquoi vous, comme les autres frères en Christ, ne célébrez pas cette fête aujourd'hui. En fait, avec la définition et l'explication de son origine telle qu'il a dit, on devait clore le débat et puis jouer de la musique sur les ondes et puis s'en aller. Avec cette explication, parce que lui-même il a dit de sa propre bouche qu'il n'y a pas, il n'y a nulle part de trace là-dedans. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va ajouter là-dedans, ce sera de man-made, ce sera de la formation humaine pour pouvoir se satisfaire des différentes convoitises. Il a cité tout à l'heure l'encyclopédie catholique. Je crois que ça c'est l'encyclopédie catholique de 1911 dans la rubrique Noël qui parle effectivement comme ça, qui dit que le Noël n'était pas l'une des premières fêtes de l'Église. Et vous allez voir effectivement, comme il a également dit, que c'est Aurélien, l'empereur Aurélien en 274 qui a érigé cela, et puis Constantin en 330 va également fixer ça comme la fête de l'Église. Maintenant, la liturgie catholique, le calendrier de la liturgie catholique va être fixé à partir de cette date-là. Les catholiques justifient justement parce que c'est pour parler à l'euphorie populaire qui était sous-tendue dans la Rome antique, pour pouvoir faire état en cinq. Enfin, souvenez-vous que Aurélien avait érigé ça comme étant la religion de l'État. Le dieu Mitra, c'est le dieu Mitra qu'on célébrait, le dieu Mitra qui est sous un autre nom, Jupiter, en réalité qui est le Nimrod, parce que tout vient de la Chaldée. Et puis les légionnaires romains ont transféré cela dans leur pays. Donc, lorsque vous me posez la question que pourquoi nous, dans cette communauté, ou bien comme j'ai dit à l'introduction, que je considère ça comme tout est un autre jour, la Bible déclare, et ça c'est il faut qu'on soit un peu plus clair là-dessus, la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, verset 6, que maintenant que vous avez reçu le Christ, demeurez en lui. Et il dit que prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par la tradition des hommes et non sur Christ. Donc tout doit reposer sur Christ. Fondamentalement parlant, lorsqu'on parle des soleils invaincus, nous sommes en exemple. Normalement, la Noël, normalement, si on parle de cette victoire de ce qu'on appelle le solstice d'hiver, dont le sol inventis, dont la victoire de la renaissance du soleil, le jour, effectivement, il est là parce que ce n'est pas le 25 décembre. Pour cette année, si la célébration a eu lieu le mardi 22 décembre à 5h48, l'heure exactement, l'heure GMT. Donc, c'est à cette heure précise que commence l'hiver. Donc, les jours commencent à se rallonger. Maintenant, pourquoi est-ce que le chrétien devrait être se sentir impliqué si on dit clairement que ce n'est pas mentionné dans la Bible? Dans le livre de Luc, chapitre 2 à partir du verset 8, la Bible nous fait état du fait que les bergers sont venus trouver les anges sont venus trouver les bergers qui passaient les veilles des nuits pour faire perdre leurs brebis. C'est ce que la Bible nous déclare, et annonçant que leur Messie est né, alors que le sauveur est né. Et en ce moment là on voit effectivement que la description dont le Saint-Esprit nous donne dans les Écritures nous fait état du fait que dans cette période se trouvent dans les gens dehors avec des brebis, donc ça ne peut pas être en hiver. Quand nous disons Cantique des Cantiques chapitre 2 le verset 11, même Esdras chapitre 10, nous voyons effectivement que cette saison, c'est la saison plus du côté de l'Israël, donc ça ne peut pas être Jésus-Christ notre Seigneur, ne peut pas être né en décembre. Ça c'est hors de question. Maintenant, mon compagnoniste a dit clairement, et j'aime cela, que ça ne se trouve pas dans l'Église. Quoi, dans la Bible, Origène également, qui est l'un des grands écrivains, a dit clairement que nous on ne va nulle part dans les Écritures quelqu'un célébrer en dehors de deux païens, de deux pécheurs, Pharaon et Hérode, leur anniversaire. Le Seigneur Jésus-Christ n'en a pas célébré. En fait, ce n'est même pas d'abord dans la coutume juive de célébrer ces anniversaires-là. Donc, pourquoi l'Église va venir hériter des païens et commencer à perpétuer les doctrines païennes? Mais la parole de Dieu vous dit-elle que Jésus-Christ est né de la Sainte Vierge Marie, de Marie? Absolument. Alors, ça veut dire qu'il y a un jour quand même où l'enfant Jésus est venu dans le monde avec une mission principale. Je suis d'accord. Est-ce que, frère, en tant que chrétien, nous ne devons pas célébrer ce jour? Ok, maintenant. Ce jour. En fait, ça nous pose un problème. Oui. Ça pose le problème entre nous et Dieu qui commande. Ça, c'est le vrai problème qui se trouve dans ce que dirait votre question. Mm-hmm. Est-ce que c'est nous qui allons décider de faire quelque chose pour Dieu? Si c'est tel le cas, alors chacun peut faire son culte comme il veut. Les cadeaux peuvent décider de dire que la révélation de Marie est montée au ciel et on ne se base sur rien. C'est pour ça que Dieu nous a donné le sola scriptura. Il nous a donné les écritures afin que ce soit notre base fondamentale pour pouvoir le trouver. C'est la constitution céleste sur la terre. C'est lui qui décide comment faire pour le trouver. Donc, ce n'est pas à nous de décider qu'il faut que nous commémorions le Seigneur Jésus-Christ puisqu'il ne l'a pas fait. Les apôtres ne l'ont pas fait. Les anges ont chanté. Les anges ont chanté ces jours. Les anges ont chanté la naissance de Jésus-Christ. Absolument. Les mages sont venus l'adorer. Oui, toute la créature a fait. Mais le vrai problème, c'est que nous avons admis que c'est la célébration d'une autre divinité qu'on a célébré ces jours-là. Si ça avait été célébré au courant de l'Église, si l'Église avait célébré cela, on l'aurait adopté automatiquement. Puisque la Bible déclare, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que nous avions été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus-Christ était la pierre angulaire. S'il n'a pas fait, on ne le fait pas. Alors, pasteur William Branham Kamte, est-ce que nous ne devons pas célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Très bien, c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que quand on parle de Noël, on parle de quoi? Parce que si on parle de Noël en tant que le 25 décembre et la naissance du Seigneur Jésus-Christ, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on voudrait attribuer Noël à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, si on voudrait jumeler, voyez, la Noël et la naissance du Christ, qui est le 25 décembre, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne marche totalement pas. Donc, ça veut dire que... Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Absolument. C'est la raison pour laquelle nous sommes entrés dans l'étymologie, vous voyez, de Noël, la célébration même de Noël. Et la célébration qui est attribuée ce 25 décembre. C'est la raison pour laquelle il y a quelque chose qui est en train d'être frais là à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle l'empereur, avec la célébration de leur divinité, Jupiter, parce que... leur divinité ancestrale avait été détrônée et Aurélien a placé une autre divinité à cette place-là pour donner un culte, pour satisfaire le culte qui était attribué à cette divinité qui était Jupiter. Vous voyez? Et ils célébraient à ce moment-là la naissance du dieu soleil. Voilà. Et quand vous rentrez dans les origines, voyez, pour mieux comprendre et pour amener les auditeurs à comprendre, dans le calendrier julien, on considérait le 25 décembre comme le solstice d'hiver et la nativité du soleil parce que les jours commencent à s'allonger et le soleil a brillé avec plus d'éclat à partir de cette date. Vous voyez, et c'est la raison pour laquelle ils ont pris une autre divinité comme ils célébraient, parce que la Rome païenne est devenue la Rome papale. Oui. Et il fallait placer une divinité à cette place. Il fallait placer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. On peut donc dire à que c'est juste une continuité. Bien sûr, à la place de leur Dieu. Oui. Et ils ont pris le 25 décembre et ils ont dit, bon, étant donné que ce 25 décembre, c'est la célébration de notre Dieu, la naissance du Dieu soleil, nous allons attribuer à cette date la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si je comprends bien, vous qui nous avez fait comprendre que vous avez célébré, vous avez célébré la Noël dans votre communauté chrétienne aujourd'hui. Oui. Ça veut dire que vous, qu'est-ce que vous avez réellement célébré? Bonne question. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou la naissance la naissance du soleil, pasteur. J'ai célébré, pas la naissance du Seigneur Jésus-Christ, pas la naissance du Dieu soleil, mais j'ai célébré Christ. Pas seulement aujourd'hui, comme je le célèbre tous les jours. Eh bien, dans ce cas, frère Stéphane, j'aimerais poser une question. Je vous en prie. Est-ce que la solennité liée au culte d'aujourd'hui, que vous avez fait dans votre lieu de rassemblement, est-ce que cette solennité diffère en quelque point par rapport à d'autres jours? Elle ne diffère absolument pas. Vous n'avez pas souhaité joyeux Noël? Du culte, j'ai souhaité joyeux Noël, évidemment. Quand quelqu'un entend joyeux Noël dans votre lieu de culte et ceux du dehors, y a-t-il différence? Non, il y a une différence. Il y a une différence des tonations, de l'appellation, de la compréhension. Il faudrait l'amener à comprendre ce que c'est que Noël. Oui, oui. Noël, pour moi, ce n'est pas la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Le 25 décembre, pour moi, ce n'est pas la naissance du Seigneur Jésus-Christ, littéralement. Ça me pose encore une autre question, si vous permettez, franchement. Non, permettez. Alors, ça veut dire que demain également, vous pouvez faire une autre culte et en disant toujours joyeux Noël. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle j'ai dit ceci. Noël, c'est la naissance de Christ. Il faudrait amener les auditeurs à comprendre que on vit Noël tous les jours. Oui. Pour le chrétien, Noël, ce n'est pas l'observation d'une date. Ah oui. Voilà, parce que Noël vient du mot latin natalis di, qui veut dire jour de naissance. Oui. Ça veut dire Jésus-Christ naît dans le cœur de chaque véritable enfant de Dieu tous les jours. Ok, je vais peut-être relancer le débat avec cette parole tirée dans les Saintes Écritures, dans le livre de Tite, Tite 1 au chapitre 15, la parole de Dieu. Chapitre 1, verset 15, merci. Oui. La parole de Dieu déclare, tout est pur pour ceux qui sont purs, oui. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Oui, alors, je voudrais donc m'interroger, frère Élie Bertrand Tchabda Junior. Oui, j'aime ce genre de paroles-là. Oui. Est-ce que moi, en tant qu'homme, oui. Parce que je suis pur, je ne peux pas décider oui. Que je célèbre en sanctifiant et en purifiant ce jour, tel que me recommande la parole de Dieu, le 25 par exemple, dire que c'est mon jour à moi, oui. Je célèbre la naissance de Christ. Je prends ce même syllogisme. Est-ce que ce serait mauvais? Oui. Enfin, je commence encore avec un autre verset avant de répondre à votre question. Oui. La Bible déclare que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ça donc, le chrétien a tous les droits de faire n'importe quoi pour vous répondre. Maintenant, je pose une question en prenant d'autres syllogismes sur ces genres de versets. Oui. Alors, je rencontre une prostituée. Je dis, tout est pur pour celui qui est impur. Je pue, je sanctifie la prostituée. Non, pour celui qui est pur. Oui, pour celui qui est pur. Tout est pur. Donc, je ne considère pas donc ça. Est-ce que j'ai tort ou j'ai pas tort, Franck Stéphane? Je recommence encore. Je prends du vin empoisonné. Je sanctifie au nom du Seigneur Jésus-Christ et je bois le poison consciemment alors que c'est du poison. Il ne faut pas qu'on fasse comme ça. La Bible est claire. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Ça va être sanctifié par la parole de Dieu. Et Jésus nous a dit dans Jean chapitre 4 là que elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pas seulement en esprit. On peut dire que nous sommes seulement en esprit avec Jésus-Christ. Il faut que ce soit dans la vérité. Et la vérité est révélée dans les Saintes Écritures. Mmh. Qu'est-ce que les Saintes Écritures nous révèlent? Lorsque nous voyons dans la première alliance sous Moïse, dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu appelle même dit aux Israéliens de ne pas imiter la coutume des nations. C'est écrit littéralement dans Jérémie chapitre 10, verset 2, que n'imitez pas la coutume des nations, n'appelez pas leur Dieu et ne craignez pas leur Dieu. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, chaque fois qu'on va agir ainsi, vous allez voir que les hommes avaient leur libre arbitre choisi la voie comme ils ont voulu. Quand Dieu a fait sortir les Juifs, il était leur roi. Il gouvernait sur eux, il choisissait et établissait les prophètes et les rois qui devaient les diriger. Avant que Israël n'ait de roi, à un moment donné, dans 1 Samuel chapitre 8 ou chapitre 16, vous allez voir effectivement qu'Israël va réclamer un roi. Je suis en train ici pour vous dire effectivement que, et pour dire pour tous ceux qui nous écoutent, que lorsque nous adoptons quelque chose, nous n'avons pas besoin de dire à Dieu que nous n'avons pas besoin de te servir. Nous n'avons pas besoin de déclarer cela. Prendre une position qui est contre les siennes, dit clairement que nous sommes écartés. Mm-hmm. Les Juifs ont réclamé un roi sur Israël. Ils ont dit, comme les nations, Dieu a dit à Samuel que ce n'est pas eux qu'ils ont rejeté, c'est moi, donne-leur un roi comme ils ont voulu. Donc pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette soif-là de faire comme les nations. Dans la musique de dite chrétienne maintenant, on incorpore particulièrement les rythmes au milieu de nous en mettant les paroles du Seigneur Jésus-Christ dans la parole biblique. Donc on ne doit pas faire de telles choses. La parole complète nous a été donnée. La seule fête au milieu de l'église, la seule fête chrétienne dont le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, faites ceci en mémoire de moi, c'est la commémoration en sa mort. Ok, on rappelle aux auditeurs qui peuvent désormais participer en nous appelant au 243 07 56 32 243 07 56 32, ou alors en nous envoyant des messages au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Le même numéro peut servir d'échange ou alors d'envoi de messages sur WhatsApp. Vous pouvez également vous connecter via www.radiobonnenouvelle.org. Le thème de ce soir, vérité sur la Noël. Nous apportons toute la vérité sur cette célébration. Pasteur William Branham Kamte, je reviens à vous pour cette célébration. On dit que c'est celle des enfants. Pourquoi dit-on que c'est la fête des enfants? Maintenant, quand on parle de célébration, vous voyez, et tout à l'heure, vous parliez d'un culte organisé. Mm-hmm. Vous m'avez posé la question de savoir le culte que j'ai célébré aujourd'hui. Oui. Maintenant, quand on parle de culte, est-ce qu'un culte devrait être organisé spécialement le 25 décembre? Pour moi, non. C'est à ça que je vais en venir. Oui. Par exemple, je vais prendre mon exemple ce soir. Je n'ai pas organisé un culte spécial en cette date du 25 décembre. Le culte qui a été organisé était essentiellement pour les enfants. voyez, parce que habituellement, je fais une veillée le 31 décembre. Pour une veillée de l'an, voilà, ouais. Pour introduire, achever l'ancienne année, l'année qui vient de s'écouler, et pour introduire la nouvelle année. Alors, lors de cette soirée, il y a des petits sketchs que les enfants ont à faire. Ouais. Mais étant donné que le temps est assez court et que les enfants sont assez nombreux et qu'ils n'ont pas assez d'espace pour pouvoir dire et établir et étaler leurs sketchs et tout, alors je leur donne un espace de temps pendant les vacances, voyez, et je peux attribuer cet instant-là, soit le 24, soit le 25. Maintenant, pourquoi? C'est ça la raison. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que le 25 décembre, qui est un jour pour la communauté ecclésiastique considérée comme la naissance du Seigneur Jésus, tellement de choses sont faites ce jour-là. Vous voyez, il y a la dépravation, il y a le péché qui se meut tellement ce jour-là, et il y a des actes immoraux, vous voyez, qui se sont posés ce jour-là même. Mmh. Et on dit célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. J'étais même un peu sidéré. Bon, pas sidéré, mais hier soir quand je rentrais, j'ai vu dans une église de la place, à minuit, un culte, une messe qui était faite. Et je me suis dit, vous voyez, certaines personnes habituellement ne vont pas à l'église, n'adorent pas le Seigneur, ne servent pas Dieu, mais la soirée du 24 décembre, le culte de minuit, vous voyez, à cette occasion-là, ils sont à l'église, cette veillée de Noël, vous voyez, cette veille de Noël, ils sont à l'église pour adorer le Seigneur, pour commémorer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, je me dis quelque chose, quel est ce Jésus qui naît chaque année, puis qui meurt et qui renaît l'année suivante, puis qui meurt et qui renaît. Donc, cela voudrait dire qu'on adore un Jésus tous les jours qui est dans une crèche. Donc, tous les jours, notre Jésus est dans une crèche. Après, il grandit, il est crucifié, il est enlevé au ciel, puis le prochain décembre, il renaît à nouveau. Je pense que les gens ont manqué de saisir la portée de ce qu'est la véritable Noël. La véritable Noël, ce n'est pas le 25 décembre. La véritable Noël, c'est le jour où nous avons rencontré Jésus-Christ. C'est le jour où Christ est né dans nos cœurs. Mais ça peut aussi être le 25 décembre. Non, bon, c'est le 25. On dirait que c'est le 25 décembre. En fait, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui, de manière, je suis peut-être en train de rigoler, mais je vais dire quelque chose d'intéressant. Oui. Il y a des personnes qui vont rencontrer de manière sincère Jésus-Christ en ce jour. Absolument, comme tous les autres. Mais là, moi, je dirais ceci. Moi, je dirais quelque chose. Le 25 décembre, voyez, vous me direz que, bon, voilà, un homme peut être porté à célébrer cette fête, à commémorer. Mais non, qu'est-ce qu'il est en train de commémorer? Parce que quand il va à l'église ce jour-là et qu'il dit, bon, je commémore la naissance du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ qu'il est en train de commémorer? Moi, je dis, c'est une ignorance. Parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Nous savons tous que Jésus était un agneau. Et bon, pasteur, vous permettez, on va prendre cet auditeur avant de revenir à vous, qui nous appelle au 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment je vous appelle, frère? Je m'appelle Olivier Besson. Alors, vous avez la parole. Allô? Oui, vous pouvez participer au débat. Allô? Vous pouvez participer au débat, on vous écoute. Oui. J'ai une question à poser au pasteur Santo. Oui, allez-y. Oui, et après ça, je vais apporter mon point de vue. Je vous en prie. Ok, bon, il a dit tout à l'heure que les gens n'ont pas compris ce que c'est que la véritable Noël. Et il parle de ça en tant que serviteur de Dieu, en tant que enseignant de la parole de Dieu, je présente ce qui est la source dans la vie. Et je voudrais savoir dans quel passage de la Bible est mentionné le mot Noël d'abord. Ok. Alors, pasteur, il demande à quel, dans quel passage. On va d'abord. On a trop de bruit, voilà. Je crois que vous l'avez précisé d'entrée de jeu. Oui, je l'ai précisé. Que ce n'est mentionné dans aucun passage. Dans aucun passage d'écriture. Voilà. Donc, je crois que le frère a la réponse. Oui, il a la réponse. Oui. Je crois que il s'appelle Olivier Ndefoy. Je crois que sa contribution est importante parce qu'il a de poser la question que le pasteur est un enseignant de la parole. Oui. Et sur quoi se base-t-il pour fêter? Parce que moi, je peux encore ajouter la question là-dessus. Mm-hmm. Bientôt, il y aura l'annonciation, la fête de l'annonciation au milieu. C'est vrai que beaucoup d'autres religieux refusent l'autre là catégoriquement. Mm-hmm. Maintenant, si les chrétiens, est-ce que quelqu'un peut décider d'instaurer une autre fête là-bas pour commémorer également quelque chose à la fête de l'annonciation ou bien la montée de Marie à l'Assomption, ainsi de suite? Est-ce qu'on peut également fêter cela puisqu'il s'est passé? Justement, ça me permet peut-être de relancer le pasteur dans une question qui était effectivement qui était prévue et j'ai semblé vouloir la poser tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un mal, moi en tant qu'enfant de Dieu, je décide de célébrer ci ou ça, je décide d'honorer, je décide de poser un acte personnel. Oui. Est-ce que c'est un péché devant Dieu? Voilà. Pour en venir peut-être au pasteur Kamte qui décide de célébrer la nativité. Oui. Je vais dire un jour X ou un jour Y. Est-ce qu'il y a en réalité un mal? Okay. Est-ce que c'est un péché en réalité de le faire? Parce que le faire... Il y a le faire et la manière avec laquelle on le fait. Est-ce que le faire, pour d'abord s'arrêter là, oui. est un péché oui. devant la face de Dieu? Très bien. Lorsque nous avons saisi ce qu'est Noël, cela voudrait dire que nous ne la célébrons plus à la manière des païens. Parce que si on a compris l'étymologie même du mot Noël, si on a compris ce que c'est que la Noël, si on a compris ce que les hommes célèbrent le 25 décembre, nous comprendrons clairement qu'il n'est pas question de célébrer Noël à la manière du clergé ou à la manière ecclésiastique. C'est-à-dire, le milieu ecclésiastique célèbre la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et je ne crois pas que le Seigneur Jésus-Christ soit né le 25 décembre, dont je l'ai dit. Donc moi, je ne célèbre pas Noël à la manière des païens ou à la manière ecclésiastique. Mais parce que ça pose problème. Je l'ai dit tout à l'heure, que Noël, pour moi, c'est tous les jours. Oui. Voilà. Je ne crois pas à une Noël qui soit un jour particulier de l'année. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure que le 25 décembre, que ce soit en mars, que ce soit en avril, que ce soit en juillet, pour moi, c'est la même chose. Okay. Alors, pasteur, évangéliste et libertin. Il a une question, par exemple. Oui. Je voulais dire ceci. Oui. Lorsque vous dites que vous ne célébrez pas à la manière des païens, oui. et d'autre part, vous avez affirmé ici ce qui est vrai, qu'il n'y a pas un seul verset biblique parlant de cela. Très bien. Sur quelle base les clauses de la célébration que vous allez décider, de qui détenez-vous cela? Ou bien vous allez faire sur quelle base? De quelle célébration? De cette célébration dont vous avez dit que, parce que vous avez dit que si on a compris ce que c'est que la natalité, vous avez décidé, on a défini Noël comme la natalité. Voilà. Nous, voilà, oui. Alors dans ce cas, on célèbre comment et pourquoi? Donc ça veut dire que vous ne me saisissez pas. Si on a compris ce que c'est que Noël, ce que c'est que la fête de la nativité, on serait en train de fêter. Pas aujourd'hui. Oui. On ne fêterait pas un jour. Oui. On ne fêterait pas le 25 décembre. Mais on fêterait Noël tous les jours de notre vie. Ça veut dire chaque jour de la vie serait un jour spécial pour vous. Chaque jour de la vie serait un jour spécial pour moi. Dans ce cas, ce ne serait plus la naissance du Seigneur Jésus. Parce non, est-ce qu'il y a un problème? Non, c'était ça ma question. J'arrive avec votre question. Est-ce qu'il y a un problème à la célébrer du 1er au 31 la naissance de Jésus-Christ? Écoutez, qui nous empêche de le faire? La naissance est une... Écoutez, qui nous empêche de le faire? Écoutez, de reconnaître qu'il y a un Seigneur qui est né pour moi. J'arrive, vous avez posé une grande question. Écoutez, c'est un péché de le faire. Écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne me borne pas sur la naissance littérale du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quelque part, vous ne me saisissez pas. Maintenant, je vais aller plus clairement. Oui. Je parle ici de la naissance de Christ dans la vie du chrétien. La naissance du Christ dans la vie du chrétien, il s'agit de la nouvelle naissance. Très bien. Et vous ne pouvez pas célébrer la nouvelle naissance de façon solennelle pour tout le monde, parce que tout le monde n'est pas né nouveau le même jour. Oui, je suis d'accord avec ça. On va prendre cet auditeur, revenir 243-07-56. Il s'en est allé. On revient au débat. Vous avez posé la question tout à l'heure. Effectivement. C'est la célébration. Noël, en réalité, c'est la naissance. C'est la naissance de Christ dans la vie de chaque enfant de Dieu. Alors, on retient ça. Ça repose encore un autre problème. C'est très intéressant. Aucun des nouveaux de la Bible n'a célébré cela. On va prendre cet auditeur. Oui, oui. 243-07-56-32. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, comment je vous appelle? Moi, je suis Patrick. Vous revenez. Non, je ne pas, je suis pas encore Ok, allez-y, on vous écoute. D'accord. Ma question est la suivante. Parce qu'en fait, il y a une question que vous avez posée il y a une 10 minutes, et là, j'ai l'impression que vous éloignez un peu. Allez-y. Je voudrais savoir exactement qu'est-ce qu'on appelle, pourquoi est-ce qu'on appelle la fête des enfants. Oui. Vous avez posé la question, et puis vous êtes éloigné un peu. Nous attendons la réponse. On revient directement, cher auditeur. Non, mais je pense que, pour ma part, si, avec ma petite idée, si on appelle ça fête de l'enfant, c'est parce que chaque fois on a une poupée qu'on dessine là-bas qui est semblable à ces idoles qu'on dispose ensemble. De deux, c'est pour former comme ça une nouvelle génération, pour les pousser à fêter comme ça, à rester perpétuels comme ça dans les idées, dans l'idolâtrie païenne. Qui a donné à cela la fête de l'enfant? C'est les hommes. De la même façon que les autres, c'est les hommes qui l'ont initié. Et nous savons que le fondement de l'église n'est pas basé sur la croyance de l'homme, n'est pas basé sur les idées humaines, mais plutôt sur les saintes écritures. Voilà. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, comme mon frère venait de le citer tout à l'heure, que l'église est bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ouais. Ça veut dire notre socle, c'est la parole de Dieu. Mmh. Notre socle, c'est l'écriture. Mais pasteur Kamte, quand vous dites cela, pourquoi donc célébrez-vous quelque chose qui n'est pas scripturé? Mais qu'est-ce que vous entendez par célébration? Parce que non, vous avez dit tout à l'heure, si on a compris, c'est que c'est la nouvelle. Ça veut dire qu'on ne se comprend pas sur le terme célébration. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une célébration? C'est amener une solennité pour un événement. C'est amener une solennité. Ça veut dire un culte extraordinaire. Ça veut dire on mange. Parce que c'est ça le problème. Ouais. Parce qu'on parle de Noël aujourd'hui, on va manger, on va boire, on va danser, on va acheter ceci. Ouais. Mais c'est pas ça une célébration. Ouais. Quand on célèbre Dieu, célébrer Dieu, c'est quoi? C'est pas acheter ceci, c'est pas acheter cela. Non, célébrer Dieu, c'est l'adorer. Quand on célèbre le Seigneur, on l'adore. Ah ben ouais. Dans ce cas, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un événement particulier comme la nouvelle naissance pour le faire. Parce que la Bible déclare que célébrant Dieu de tout votre cœur, c'est l'expression de la grâce. Comment est-ce qu'un homme qui n'est pas né de nouveau peut célébrer la Noël? C'est pas parce qu'il est païen, il a de fêter sa fête normalement. Donc lui n'est pas concerné. Nous parlons de cette fête en milieu chrétien. Ben oui, mais c'est de ça que je parle. Parce que vous avez dit que hier soit quand vous rentrez de votre culte, et ça me pose le problème, est-ce que normalement chaque jeudi, parce que nous sommes vendredi jeudi, est-ce que chaque jeudi souvent vous avez le culte? Alors auditeur, oui, chaque jeudi et chaque vendredi aussi. J'étais à l'église. Auditeur en ligne, je vous en prie. 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir monsieur, comment je vous appelle? Je suis le frère Libertin Esso. Libertin Esso, bonsoir, vous avez la parole. Libertin. Okay. Allô? Oui, vous avez la parole, vous êtes en direct. Oui, je voudrais dire là que... Je voudrais déjà saluer le panel là. Hein. Merci, bonsoir. Et je voudrais adresser ma question. Déjà, mais... Je crois qu'il est en plein fait, là, il a les enfants derrière lui. Allô? On vous écoute, allez-y, parlez. Oui, ok. Je voudrais dire ici que la Noël a été inventée par des gens. Et ils ont associé un culte. Et à chaque culte sont attachés des esprits. Alors maintenant, lorsque le pasteur dit qu'il célèbre la Noël, lui aussi, il s'attache aux mêmes esprits de ceux qui avaient été, aux mêmes esprits qui étaient attachés à cette Noël de cette époque-là. Alors lorsque nous célébrons cette fête, nous devons, lorsqu'ils célèbrent cette fête, ils doivent comprendre qu'il est en train de commémorer les mêmes dieux que ceux-là commémoraient avant leur temps. L'évangile nulle part ne nous a donné de célébrer la Pâque, de célébrer la Noël, pardon. La seule fête des chrétiens est la fête de la Pâque. Du coup, la Noël devient une fête païenne et tous ceux qui la célèbrent, qu'importe la ruse qu'ils mettent autour, sont des païens qui célèbrent une fête païenne. J'en ai terminé pour le moment. Merci frère pour votre intervention. Oui. Nous revenons dans ce studio avec une question à vous poser. Oui. Et frère évangéliste et Libertron Tchada, oui. Qu'est-ce qui me condamnerait à entrer dans cette dimension de célébration du 1er au 31. Est-ce que je pécherai devant Dieu? Si vous avez la capacité de célébrer du 1er au 31, de tous les 365 jours et 366 jours pour les années bisextiles, vous le faites. Mais c'est l'état du chrétien. La Bible déclare qu'on célèbre de tout notre cœur le Seigneur Jésus-Christ sous l'inspiration de la grâce. C'est comme ça doit être célébré. Soumettons la solennité que nous avons aujourd'hui, ou bien nous voulons utiliser. Et c'est cette tentative-là que Will Durant écrit avec Alexandre Hislop dans les deux Babylones, qui essaie de voir effectivement comment l'église catholique pour asseoir sa domination. On voulait récupérer tous les cultes païens en les christianisant. On ne doit pas vouloir faire quelque chose parce que beaucoup de personnes, il y a beaucoup de techniques aujourd'hui d'évangélisation qu'on a fait. On essaie de récupérer les choses païennes pour pouvoir utiliser les païens. On doit utiliser les techniques du Saint-Esprit tel que le Saint-Esprit l'a désigné. Le Saint-Esprit peut transformer quelqu'un à tout moment comme il le veut selon les Écritures. Mais nous ne devons pas récupérer les choses de Dieu et voulant faire des choses pour Dieu et sans Dieu. Ce n'est pas à nous de le faire comme cela. Dieu a fixé les bornes dans les Écritures. Il a dit qu'on ne va pas au-delà de ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Ça, c'est d'un. De deux, ceux qui les célèbrent, si vous lisez le livre de Galates chapitre 4, verset 10, l'apôtre Paul s'est fustigeant ou bien s'étonnant des Galates à qui il avait annoncé l'évangile à partir du chapitre 3. Il va leur dire qui vous a ensorcelé, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Ils ont commencé par la foi, ils voulaient achever maintenant par la loi. Au chapitre 4, dans le verset 10, il va dire que vous observez les jours, vous observez les mois, je crains d'avoir prêché en vain. Après, il va dire au verset 19 de ce Galates chapitre 4 que mes enfants pour qui je prouve encore le douleur de l'empattement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, pour répondre à votre question, si vous essayez de célébrer de cette façon, je dis seulement que Christ n'est pas encore formé en vous. Parce que si Christ est formé en vous, vous quittez le cadre de la chair pour vivre dans le selon l'esprit. Attends, je ne vous ai pas bien saisi. Vous êtes en train de dire que le faire serait péché devant Dieu. C'est-à-dire que si vous voulez le faire de cette façon-là, il y a deux styles de chrétiens. Alors, les chrétiens qui vivent encore de façon charnelle, qui suivent les traditions, les rudiments du monde, alors, et les gens qui ont compris, qui grandissent en maturité de Christ. Alors, si je comprends bien, vous avez un problème avec la manière. Pas avec la manière. Vous avez un problème sur la célébration même de la nativité de l'enfant. La première chose, c'est pour ça qu'il dit dès le départ que lorsque le pasteur a présenté tout à l'heure l'origine, lorsqu'on a présenté l'origine, ça règle le problème, puisque le thème de l'émission, c'est la vérité sur le verset. Je crois qu'on s'est compris. Oui. À ce niveau, il faut peut-être qu'on lève l'équivoque, qu'on fasse comprendre aux auditeurs. Oui. On a été d'accord que la Noël, oui. Noël, N-O-E-L, oui. n'a rien à voir, avec d'après la Bible. Vos éclaircissements, avec la Bible. N'a rien à voir avec la Bible. Oui. Avec le terme Noël ne se retrouve pas dans les Saintes Écritures. Absolument. Très bien. C'est maintenant, ça. Et parce qu'il faut que les auditeurs soient édifiés. Bien sûr. Et vous m'arrêtez si je me trompe. C'est ça. On a également dit ceci, que la Noël, N-O-E, avec tréma, L, n'avait rien à voir avec la naissance de l'enfant Jésus. C'est exact. C'est exact. Je crois que les deux panneaux s'accordent. C'est ça. Alors, si la Noël n'a rien à voir avec la naissance de l'enfant Jésus, ça veut donc dire que célébrer la Noël, on ne serait pas en train de célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Oui, la phrase, c'est on est d'accord, j'ajoute quelque chose maintenant. Je poursuis maintenant. Oui, en fait, si permettez-moi d'expliquer quelque chose. Je vous en prie. Dans tout le monde entier maintenant, vous allez regarder, et dans les écrans de télévision, vous allez voir effectivement que c'est l'enfant Jésus qui est au centre. Bon, okay. On ne peut pas retirer cela. Maintenant, permettez-moi de vous dédier quelque chose juste, tout juste. Lorsque vous lisez Malachie chapitre 4, verset 2, on dit que pour célébrer le soleil de justice, et dans Luc chapitre 1, le verset 78, où la Zacharie dit effectivement selon lequel le soleil de justice, selon le vent, nous a visités. Donc nous voyons effectivement que chaque fois, ce sont les attributs du Seigneur Jésus-Christ comme ça que Satan utilise pour perpétuer cela. Donc derrière cette idole appelée enfant Jésus, c'est classe effectivement le dieu Mitra, Babylone et Nimrod. Ok. Maintenant, ceux-là, des chrétiens qui sont, je veux dire, qui sont inspirés du Saint-Esprit. Oui. On a bien levé l'équivoque, on a fait comprendre aux auditeurs ce que nous disons. Maintenant, je veux parler de la nativité en elle-même de Jésus-Christ, qui n'est révélée nulle part dans les Saintes Écritures. Oui. Est-ce que moi, en tant que chrétien, je peux décider de la faire un jour X ou un jour Y? Si je la fais, est-ce que je pécherai devant Dieu? C'était ça ma question. Très bien. Et ce jour-là, ça peut être le 25 décembre, pas comme le monde le fait, parce que le monde ne célèbre pas cette nativité. Moi, je parle maintenant de la nativité. Mais moi, j'ai envie de dire quelque chose. Je vous en prie, pasteur. Très bien. Maintenant, nous sommes d'accord, parce que nous sommes clairs. C'est clair que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça, c'est impossible. Il n'y a aucune écriture dans la Bible qui même pas dans l'histoire qui nous enseigne et qui nous dit que Jésus est qui soit né le 25 décembre. Mais non, il n'y a aucune écriture dans la Bible qui situe un jour, une date où Jésus soit né. Maintenant, nous savons tous que Jésus-Christ était un agneau conformément aux Saintes Écritures. Très bien. Parce que lorsque Jean a vu venir vers lui le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que il est l'antitype du type, ce qui se passait dans l'Ancien Testament. De même que les sacrificateurs prenaient des agneaux là dans le temple et les égorgeaient afin de les offrir comme rançon pour le péché des individus, ce qui couvrait tout simplement le péché. Jésus-Christ était ce véritable agneau pascal qui a été offert pour nous. Maintenant, nous savons tous que les types ne trompent pas. Vous voyez, si vous regardez dans la nature, la Bible nous enseigne que Dieu se cache aussi de la nature. C'est pourquoi Jésus a dit que la parabole du figuier vous enseigne. Il dit, référez-vous à la parabole du figuier. Quand vous verrez le figuier commencer à pousser des bourgeons, alors vous savez que l'été est proche. Donc, je pense que si nous regardons un peu à quel moment est-ce que les agneaux naissent, nous verrons que les agneaux naissent au printemps, c'est-à-dire vers mars, avril, mai. Mmh. Et moi, je le dirai, pas parce que j'ai une écriture quelque part, pas parce que j'ai... C'est une conviction personnelle. C'est une conviction personnelle. Oui. Je crois que Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, mmh. est né comme un agneau. Mmh. Et les agneaux naissent entre mars et mai, c'est-à-dire mars, avril, mai. Ce qui n'empêche pas quelqu'un de célébrer. Parce que mais là, moi, je veux dire quelque chose. Oui. C'est pas ça le plus important. Oui. D'accord. Si vous dites, ok, d'ailleurs, même si la Bible nous enseignait que Jésus soit né le 1er mars, ou alors le 1er avril, ou alors le 1er mai, très bien, Jésus est né le 1er mai, ou alors Jésus est né, peu importe la date, est-ce que c'est ça la chose la plus importante? C'est pas cela la chose la plus importante. Bien sûr. La chose la plus importante, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est venu sur la terre comme un cadeau du ciel, comme un don donné par Dieu. Il a été offert comme un cadeau qui nous a été donné du Père. Alors, si nous recevons ce cadeau, il est venu, il a donné sa vie. Vivant, il m'aima. Vous voyez? Mourant, il me sauva. Mmh. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia. Vous voyez? Et il a été enlevé au ciel. Et la Bible nous en que son esprit est revenu sur la terre le jour de la Pentecôte dans les apôtres. C'est ça la chose la plus importante. Commémorer ce jour, le jour où l'homme et Dieu sont devenus un. Le jour où l'homme est entré en contact du Saint-Esprit. C'est ça. Mon frère a dit tout à l'heure que quand je parle de la célébration de cette fête, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, je ne célèbre pas un jour, je ne célèbre pas Noël, le Dieu soleil, le Dieu Mitra. Non, c'est pas ça que je célèbre. Je ne célèbre pas le 25 décembre. Non. Pour moi, je ne célèbre pas Noël à la manière du païen. Maintenant, quand on prend le mot Noël, c'est jour de la nativité. Maintenant, moi, je dis, le jour de quelle nativité? La naissance de Dieu. Parce que il y a bel et bien un jour de naissance. C'est-à-dire la nouvelle naissance, un jour où Christ naît dans la vie d'un chrétien. Voilà. Et c'est ça, c'est ce jour que le chrétien doit célébrer. Maintenant, s'il veut l'appeler Noël, ça le regarde. S'il veut l'appeler peu importe. Mais il doit. Tant qu'il est. En tout cas, dans ce cas, je réponds encore la question. Alors, oui, non, moi, je vais vous poser une question. Oui, pour ne pas rester dans cet élan oui. de débat Noël et autres là. Oui. Quel est le rapport qui existe aujourd'hui entre, vous prenez la question et puis on prend l'auditeur, entre le Père Noël, comme nous voyons, et l'enfant Jésus. Auditeur en ligne 243-07-56-32, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir monsieur, vous êtes en direct. Allô? Bonsoir monsieur, vous êtes en direct. Oui. J'appelle au sujet du débat qui est actuellement en cours, mais c'est sans rien à voir. Je vous en prie, vous pouvez participer au débat. Vous pouvez participer, je vous en prie. Allô? Vous pouvez participer au débat. L'auditeur qui a des difficultés. Oui, nous parlons de... Le Père Noël. Oui. J'ai l'impression qu'il a ravi la vedette. L'enfant Jésus. Alors, maintenant, là, nous serons dans les élucubrations maintenant. Mais de toute façon, prenons, si nous prenons l'encyclopédie américaine, hein, nous voyons effectivement tout. L'histoire le raconte clairement. Santa Claus, on peut prendre l'étymologie, mais je veux vous montrer effectivement en quoi est-ce que c'est démoniaque. Si vous lisez le livre d'Isaïe au chapitre 63, et vous combinez cela avec Apocalypse au chapitre 19, à partir du verset 11, où le Saint-Jésus descend du ciel avec sur le cheval blanc, vous allez remarquer que Isaïe chapitre 63 parle de qui descend, son vêtement est teint de sang. Vous voyez, et d'Apocalypse chapitre 19, donc il descend avec sur le cheval. Et c'est lui qui descend avec de cadeaux. Il descend comme ça parce que le Saint-Jésus est censé descendre pour rétribuer ses ennemis. C'est exactement ce qui est écrit. Donc Père Noël, en fait, l'étymologie de Père Noël ou bien l'origine de Père Noël également est cachée avec l'arbre de Noël, est cachée en Nimrod avec la tradition de Santa Claus, telle que dit avec les encyclopédies et l'histoire druide et celte. Donc, mais pour ce qui est de notre débat maintenant, il faut qu'on comprenne effectivement que ni Père Noël, ni arbre de Noël, à moins que ce soit les arbres verts que les gens ont sacrifié à Moloch et à tous les autres divinités, et c'est effectivement ce qui est révélé. Mais pour ce qui est de Noël, aucune chose de près ou de loin, Dieu merci pour cela que Dieu a écarté toutes ces choses-là pour que ça ne se trouve pas dans la Bible. Ok, je vous laisse prendre l'auditeur. Ok, on y va. 243-07-56-32. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle, monsieur? Je m'appelle Frère. Allez-y, je vous écoute. J'attends juste ma petite contribution. Là. À vous entendre, vous essayez d'éclaircir un peu sur le. En fait, de Noël. Oui. Ceux qui sont en place là-bas, ils semblent d'un côté soutenir Noël, commémoration de notre côté rejeté. Mais dans le sens général, le conseil, comme s'ils approuvent qu'il y ait des fêtes que l'Ancien doit commémorer. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une seule fête que Jésus a prévue dans... Il demande si est-ce qu'il y a une fête parce qu'on a parlé de la Pâque aussi tout à l'heure. Oui, la Pâque, c'est la seule fête chrétienne, c'est la Pâque. C'est écrit littéralement dans la Bible comme ça qu'on devait le faire. Jésus a demandé ceci à mémoire de moi. C'est clair, c'est clairement commandé là. Et c'est la seule et l'unique. Oui. Il a demandé s'il y a une fête, de quelle fête il s'agit. Mais c'est la Pâque, bien sûr. Ok, alors merci frère d'avoir participé à l'émission. De quelle fête il s'agit? C'est la fête de la Pâque, c'est l'unique fête que les chrétiens célébraient. Noël n'est mentionné nulle part dans les scènes chrétiennes. J'aimerais préciser ce que il y a un auditeur qui a précisé tout à l'heure que derrière une fête, c'est caché, il y a une divinité qui s'est cachée derrière. Et chaque fois qu'on va la célébrer, ce sera cette divinité-là. Quel qu'en soit, on ne voit pas. Est-ce que ça ne dépend pas de la manière? Parce que je crois quand même que pour hériter d'une notion démoniaque qui est cachée dans une fête, il faudrait y être corps et âme. Ça veut dire que la célébrer telle que elle a été recommandée dans les temples catholiques. Oui. Vous allez dans les temples catholiques, vous allez adorer la divinité Jupiter. Lorsque vous prenez les petits sanctuaires venus chez vous, vous adorez la même divinité du Jupiter, mais la manière change par rapport à la célébration de la messe. Donc quel qu'en soit le cas, vous célébrez le même esprit. Frère, c'est dire que ceux qui sont nés dans des familles où on avait dit que personne ne va enfanter, où on avait dit que personne ne va trouver un époux, oui. Et que ces personnes-là, parce que ce sont des familles qui sont sous un sceau diabolique, oui, absolument. Et que ces familles, ces personnes. Le Seigneur Jésus est puissant. Voilà. Chaque personne a un plan devant le Seigneur. S'il est destiné. Jésus a dit que mes brebis entendent ma voix. Si quelqu'un est de sa brebis, de toutes les façons, qu'il soit n'importe où, chez les musulmans, catholiques, bouddhistes, il viendra de toutes les façons. Donc là n'est pas le vrai problème. Le vrai problème maintenant, c'est juste parce qu'il faut qu'on divise les choses en deux camps maintenant. Mm-hmm. Ceux du monde peuvent célébrer parce que de toutes façons, si nous parlons ainsi, les gens nous écoutent dans l'état-ci, ils vont zapper cela en continuant le fait. Mais ils célèbrent. Oui, ils célèbrent. Ça ne concerne pas. Mm-hmm. Mais ce que nous sommes en train de faire en tant que prédicateurs, c'est pour frapper la tête du serpent qui essaie de dissiper la place du Seigneur Jésus-Christ dans l'église, parce que la Bible déclare qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se fera adorer. Oui. Il faut qu'il use de tous les moyens pour pouvoir s'entrer. C'est exactement ce que la Rome païenne a fait, étant devenu la Rome papale et qu'ils ne pouvaient plus adorer leur Dieu. Voyez, ils ont pris ce jour de fête là qui était attribué au Dieu Soleil et ils ont attribué à ce jour de fête la fête de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Dieu n'a pas la possibilité de prendre un événement qui était d'origine païen, oui, et par sa puissance rendre cet événement? Dieu ne construit pas sur la fondation d'autrui. Non. C'est pour ça qu'il va falloir qu'il détruise cela, effectivement. Dieu ne construit pour pas sur la fondation. Pour confondre, effectivement, ceux qui voulaient vouer un culte à un autre Dieu, pour leur montrer qu'il est le Dieu, est-ce qu'il ne peut pas les confondre en prenant leur date? Non, mais là, il y a déjà problème parce que ouais. Ce ne serait pas scripturaire étant donné que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Okay. Ça veut dire que ça ne marcherait même pas. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat à ce niveau. Il y a encore un autre aspect qui mérite relever, France, Stéphane. Si vous permettez, oui. C'est que là, chaque fois qu'on parle de cette célébration, les gens voient toujours seulement l'impudicité qui est à côté, l'impurité, la dissolution qui se mine au côté. En fait, je mets l'accent tout simplement au niveau de la désobéissance. Dieu a dit qu'on n'imite pas les nations, ça c'est un. Lorsque nous voyons les sadducéens, les pharisiens, les hellénistes qui étaient tout autour du Seigneur Jésus-Christ, ils ne commettaient pas l'impurité, ils ne commettaient pas l'impudicité. La seule chose qu'ils étaient, c'est qu'ils avaient établi leur tradition. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a dit dans Matthieu chapitre 15, le verset 9 et Marc chapitre 7, verset 9. Il leur a dit clairement que vous avez obscurci la parole de Dieu au profit de vos traditions. Ils avaient et cette façon n'était pas l'impurité. Alors, je m'en vais peut-être poser l'une des dernières questions. Vous avez parlé d'abord du Père Noël tout à l'heure. Oui, oui, le Père Noël. L'arbre de Noël. Oui. Moi, je pense que selon l'histoire, le Père Noël et l'arbre de Noël, vous savez que ça vient de Kris Kringle, oui. qui a été appelé plus tard Blanchi, ou alors qui a été, je ne sais pas comment on appelait ça dans le milieu ecclésiastique. On lui a donné le nom de Saint-Nicolas. Mm-hmm. Vous voyez, c'est ce que l'histoire dit. On lui a donné le nom de Saint-Nicolas. C'est lui qui porte des vêtements, il passe le temps à distribuer des cadeaux aux enfants et ceci et cela, vous voyez, ça n'existe nulle part, ça vient des hommes, ce sont des coutumes humaines, ce sont des coutumes et des doctrines, vous voyez, des choses faites de main d'homme et ça n'existe nulle part dans les scènes d'écriture. Dans le Père Noël, il n'y a pas de relation entre le Père Noël et le Seigneur Jésus-Christ, ça n'existe plus vraiment pas. Alors, pratiquement, je voulais poser une dernière question. Oui. Est-ce que quand nous serons aux portes du paradis, oui, Christ va nous recommander, ou alors Christ va nous nous demander, est-ce que vous avez célébré la Noël? Ou alors, est-ce que vous n'avez pas célébré la Noël? Ou alors, Christ va plutôt nous dire, quelle vie as-tu menée très par bien. Rapport à ton péché? Oui, je voulais poser la question, est-ce que ce ne sera pas le péché des hommes? Oui. Vous savez de quoi je parle. Oui. Les hommes qui sont dans la fornication, oui. Les hommes qui sont dans l'adultère, les hommes qui sont dans... C'est ça, c'est je vous en prie. Est-ce que c'est là où Christ va nous tenir? Ou alors, c'est sur le fait que tu avais célébré le 25, tu avais célébré le 1er? On touche là le point, le nœud du problème. Oui. La Bible est claire, toute désobéissance est un péché. Tout ce que vous allez appeler la sorte des attributs, c'est encore qu'il faudrait savoir ce qui est désobéissance. C'est la désobéissance à la loi des dieux. La Bible, oui. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai fait allusion à cela. Et quand je parlais de Jésus, peut-être qu'il soit né soit en mars, en avril, en mai, peu importe le mois, peu importe le jour. Je vous ai dit, c'est pas ça la chose la plus importante. Mm-hmm. Je prends un exemple simple. Beaucoup de gens aujourd'hui se lèvent, vont en Israël, à Jérusalem, au tombeau de Jésus, pour voir où est-ce que Jésus a été enseveli avant de ressusciter. Ils vont là sur le mont Golgotha pour voir, pour commémorer. C'est très bien, c'est très beau. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que c'est ça qui sauve l'homme? Est-ce que c'est ça qui donne la vie éternelle? C'est la raison pour laquelle j'ai dit pour nous, les chrétiens, le jour de la nativité, c'est la nouvelle naissance. Mmh. C'est le jour où le chrétien, l'individu, reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Mais... Ok, je pense au message très rapidement. Voilà la chose essentielle pour le chrétien. Alors, si le socle, c'est la parole de Dieu, comme vous le dites si bien, dans quel verset on dit que le 25 décembre est la date de naissance de Jésus? Je crois qu'on a déjà répondu. Alors, quel rapport avec le Père Noël et le sapin? On a déjà répondu. Ne pensez-vous pas que célébrer Noël, c'est tendre au polythéisme si on s'attarde sur la définition de Noël apportée par des panélistes? Le message est signé de Vanessa Elon, à qui on dit bonsoir. Nous sommes à la fin pratiquement de cette émission. Oui. Votre dernier mot, frère Evangeliste. Mon dernier mot, la Bible déclare dans ce livre d'Éphésiens, chapitre 5, que j'aurais souhaité lire, mais je vais citer et paraphraser. La Bible déclare que nous sommes les enfants de lumière. Autrefois, nous étions ténèbres, maintenant nous sommes les enfants de lumière. Marchons comme les enfants de lumière. Oui. Il dit, ne prenez pas part aux œuvres d'infection des ténèbres. Tous ceux qui ont les arbres de Noël chez eux, ils ont envie d'adorer exactement comme les gens adoraient sous Moloch. Tous ceux qui ont des petits anges avec le bras, ce sont des démons qu'ils ont attachés comme ça chez eux. Tous ceux qui ont acheté les chapeaux de Père Noël, ils sont de commémorer comme ça au sang de Jésus qui eux, ils ont crucifié. Donc toute personne qui vit cette vie là d'une façon ou d'une autre, que ce soit un pasteur, le pape ou n'importe qui, ils ont besoin de délivrance. Frère, vous n'avez pas de guérison de chez vous? Jamais, je ne peux pas l'avoir. Pasteur William Branham. Très bien. Comme vous moquez de moi à la fin, Stéphane. L'église doit être éclairée. Comme disait mon confrère tout à l'heure, je suis pleinement d'accord avec cela. L'église doit être éclairée. Et les gens, quelquefois, célèbrent des choses qu'ils ne connaissent pas. Il y a des ismes cachés derrière certaines choses, vous voyez. Et les gens célèbrent la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, ils sont en train d'adorer un dieu païen. Oui. Et en ce jour, tous ceux-là qui célèbrent Noël, vous voyez, comme un jour de naissance du Christ, et qui vont dans des spectacles, qui placent certaines guirlandes, comme mon frère disait tout à l'heure, et qui festoient d'une certaine manière comme d'une autre. Je ne crois pas à cela. Je ne crois pas que ce serait correct d'après les Saintes Écritures. Je pense qu'il faudrait recentrer le débat, parce que Noël, ce n'est pas la naissance du Seigneur Jésus-Christ attribué le 25 décembre. Merci Pasteur William Kamte, William Branham Kamte. Merci Frère Évangéliste et Libertrand Tchabda pour vos brillantes participations. J'espère que le peuple de Dieu, alors tous les auditeurs qui nous ont écoutés, auront été éclairés sur la vérité que nous avons apportée sur la Noël. On se retrouve vendredi prochain pour un autre débat. Vous voulez dire un dernier mot? Je voulais seulement saluer tous ceux-là, les orphelins, les veuves qui vivent dans le manque et qui ne parviennent pas à s'en sortir, que le Seigneur de justice, Jésus-Christ de Nazareth, les aime, il est le Père. Merci, c'est merci infiniment, frère évangéliste. On va dire bonsoir à l'homme de Dieu, le prophète Georges Guillaume Dieu, et bonsoir également à Charlie Bakoudji qui nous écoute certainement. Que le Seigneur vous bénisse, excellent week-end à vous. Bonne célébration à ceux qui célèbrent la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. À ceux qui ne la célèbrent pas, passez un excellent week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Saint-Esprit vient.